J'emprunte mes pieds dans le sol silencieux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Un vide plein, à ras bord. À chaque flic, à chaque façade, des éclaboussures. Lisière affronte les yeux, de tout à rien. Sous ma colonne, la fuite. Plastique, coloré. Sous le kiosque, marché, vertical. J'emprunte mes pieds dans le sol silencieux. Béton désarmé. Le vent souffle dans les fissures. Je tape mes pas de pied. C'est gris. Chaque flaque, chaque platane, un cliquetis. Il y a l'entrée ici. J'emprunte mes pieds dans le sol silencieux.